Mais tous les tangos ne sont pas toujours les plus beaux, surtout quand ils viennent du Chili, d'Argentine, du Brésil ou de San Salvador. C'est à l'électricité que les généraux les font danser. 220 volts sur les couilles, tu remues comme un hidalgo sous le rire de ces salauds. Il a des tangos triste comme un jour de fête quand il fait beau et que vient la tempête. Il a des tangos triste comme un jour de fête fait beau et que vient la tempête. Et tous les samedis le prolo va au bal musette, il danse toute la nuit oubliant même que lundi il va reprendre sa musette, tandis que son patron va dîner chez Maxime. Ensuite il va chez Castel avec des filles pleines dentelles. Il est le roi du tango. Il a des tangos triste comme un jour de fête quand il fait beau et que vient la tempête. Il a des tangos triste comme un jour de fête. Et ce brave CRS avec sa matraque castagne dans toutes les manifs, ça swing comme à Chicago, on achève bien les chevaux. Quand nous aurons fait sauter, sauter le vieux monde, nous ferons de notre terre une immense piste de danse où nous danserons le tango. Il a des tangos beau comme un jour de fête quand il fait beau après la tempête. Il a des tangos beau comme un jour de fête quand il fait beau après la tempête.